Le monde tourne rond comme un carré blessé au coin. Un cercle à main levée quand on tremble des mains. Un compas pas trop con mais qui tourne pas bien. Mais le monde est parfait, c'est un rond si humain. Les garçons attendent les rondeurs des filles sous les tentes, les rondes jambes qui dansent en vacances. Les filles prêtent leur sphère pour le plaisir qu'on va leur faire, des colimaçons de tendresse, la paresse. C'est comme une onde de paresse. Comme une ovale qui joue des tours. Sur la piste aux étoiles, on la voit qui tourne et qui court. C'est la petite fille du bal, des galaxies alentour. C'est la petite fille qui cale ses joues bleues dans le noir autour. Oui, dans le noir autour. Les garçons se vantent dans la fougère et dans la menthe. Ils font tourner les filles qui dansent en silence. Les filles mouillées s'essayent, s'éveillent en rond sous le soleil. Une courbe enfin se balance. Les vacances. Non, non, non, non, non, non, non, non, non. Une onde de paresse.